Poème 52. Les pauvres gens. Premièrement, il est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close. Le logis est plein d'ombre, et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Au fond, dans l'encoignure où quelque humble vaisselle, aux planches d'un bahut vaguement étincelle, on distingue un grand lit, aux longs rideaux tombants. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs, et cinq petits enfants, ni dames, y sommeillent. La haute cheminée, où quelques flammes veillent, rougit le plafond sombre, et, le front sur le lit, une femme à genoux prie, et songe, et pâlit. C'est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d'écume, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot.